LDB, j'ai perdu ma confiance, j'ai trop donné à ceux qu'il fallait pas mettre. Ils ont jamais cru en moi, au jour d'aujourd'hui j'ai fait ce qu'ils ont pas fait. Et c'est aujourd'hui qu'ils reviennent. Mais jamais, jamais. Je veux plus aucun lien, j'ai mes raisons. J'y repense sans arrêt. Du pilon, du dossier, j'amène. Moi j'amène ça, si t'en faut. Trahir la tête, si jamais. On valide que le frère en barre les faux. On m'a toujours dit le temps, c'est des lots. Chercher mon oseille sur un deux temps. Arrêtez de me suivre, là faut rattraper. La plupart des rappeurs ont du retard. Déjà mon plan, je suis bien sûr de moi, mon avenir est tracé. Même si je monte tout là-haut, faut toujours mes plans, je t'en bas de la TC. J'en ai fait du mal dans ma vie, mais ça compte pas. Je vois le sourire de mon père, sur mon famille, sur les contrats. SDM sans moi, oui, j'ai de big game, si nous les trompons pas. On a ça dans le sang, c'est nous la street, tu sais que ça trompe pas. Je passe ma vie dans le Jekka, je passe ma vie dans le Jackson. Et ça depuis des années. Des années, c'est récent. Je suis là toutes les saisons. Je suis là toutes les saisons. Et d'hiver, automne. Je passe ma vie dans le Jackson. On a trop saigné le bitume. On a trop saigné le bitume. Les galères, j'ai l'habitude. Les galères, j'ai l'habitude. De ta tête, je suis habitué. Ta tête, je suis habitué. Ça nous ramène sur une. Ça nous ramène sur une. On passe la nuit sous lui. On fait dans le sang, moi, oui. On a l'air insolite. Les problèmes ça va vite, à 200 dans le bolide. J'peux pas baisser la vitre. Et pour faire des tâches, j'ai du détail, vendre la 08. Direction CDG, faut que j'me taille à Babi. Fonce et j'regarde le bleu et j'repense à ma vie. Pas le temps pour les comptes, de fait j'te raconte, j'suis vrai. Chez nous que des vrais viens pas postuler. Ma tête est expressive, j'suis pas dans les suffis. Sous soleil de coco, disco, avec qui rime de Nesby et Dwari. Calé sous placali, je veux pas voir l'intérim, j'ai laissé le synthé à Dani. Pas le temps pour les tri, on n'a pas les ennemis. Je veux plus voir la Sudan, je veux plus voir la Cali, je décroche pas au bigot, je suis sur un peu d'un du mal dans ma vie, mais ça compte pas. Sourire de ma mère, des d'amis, jusqu'à Kinshasa. SDM sans moi, oui, t'es de Beckham, c'est nous les trompas. On a ça dans le sang, c'est nous la street, tu sais que ça trompe pas. J'passe ma vie dans le Jekka, j'passe ma vie dans le Jackson. Et ça depuis des années. Années, c'est récent. J'suis là toutes les saisons. J'suis là toutes les saisons. Et d'hiver, automne. J'passe ma vie dans le Jackson. On a trop saigné le bitume. On a trop saigné le bitume. Les galères, j'ai l'habitude. Les galères, j'ai l'habitude.